Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le spectacle d'adieu du groupe Offenbach. Ben, c'est certain que, émotionnellement parlant, c'est pas les mêmes réactions sur le stage. On va se regarder, ben, il nous reste combien de chansons à jouer, t'sais? Bon, il nous en reste cinq, là, s'il nous reste cinq, c'est pas comme toutes les fois qu'on a fait des spectacles comme ça, ben, on se dit, bon, OK, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait, là? De l'année prochaine, ça, c'est plus Offenbach. C'est autre, ça va être quelque chose d'autre, ça va être quelque chose d'autre. On tourne la page après ça. Jerry Boulet, le 1er novembre 1985, jour du spectacle d'adieu du célèbre groupe rock québécois Offenbach. Le spectacle d'Offenbach au Forum de Montréal, le 1er novembre 1985, reste aujourd'hui encore l'un des moments forts de l'histoire de notre chanson. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour. 19h50, les gentils placiers du Forum dirigent la circulation comme au grand soir de la Coupe Stanley, à cette différence près qu'ils ont dans les oreilles du coton ouaté. La musique va être forte. La densité de blousons de cuir par mètre carré d'estrade est particulièrement élevée. Le blue jeans, généralement usé, est de rigueur. Il se porte très serré chez les dames, avec un peu de jeu chez les hommes. Tout est donc fin prêt pour le last call d'Offenbach. Dans la chambre des joueurs, les cinq musiciens d'Offenbach se regardent le trac dans les yeux pour la dernière fois ensemble. Ils ont choisi le Temple des Temples pour finir en beauté une saga de 16 ans sur les chemins perdus des rockeurs solitaires. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Sur l'interprétation par Jerry Boulet de la chanson « L'hymne à l'amour », vous entendiez un extrait du reportage d'Achille Michaud qui a été présenté à l'émission « Présent » le 3 novembre 1985 et dans lequel il était question donc de ce fameux spectacle d'adieu d'Offenbach au Forum de Montréal le 1er novembre 1985. Pour nous raconter ce spectacle mémorable, pour nous dire en quoi il a été marquant, ce spectacle-là, dans l'histoire de notre chanson, je reçois la journaliste culturelle et amie de l'émission, Marie-Christine Blais. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, ce spectacle d'adieu, mon Dieu, que je suis étonnée, Marie-Christine Blais, vous y avez assisté. quel souvenir en gardez-vous? J'étais une fan d'Offenbach pratiquement depuis les débuts parce que j'aimais beaucoup le rock'n'roll. Et donc, avec mes amis, on s'était acheté des billets, on les avait vus en show plusieurs fois. Et là, quand j'arrive effectivement au Forum, comme l'a décrit le journaliste précédemment, c'est vraiment une autre foule que d'habitude qui est là. J'avais jamais vu autant de chandails à franges. Il y avait des motards, il y avait des rockers. Et sur ma rangée, et c'est, pour moi, ça reste l'image associée à ce spectacle. C'est donc, il y a un rocker à côté de moi, un gros et grand gars, là. Tu sais, une pièce d'homme, velu, on va se le dire, avec une veste en cuir là, coupée court aux épaules, qui a un gros cigare dans la bouche, parce qu'à l'époque, on fumait, si on voulait, au Forum, et qui pleure à gros bouillons, qui a pleuré tout le long du spectacle, ou presque, parce qu'Offenbach mourait, parce que c'était la fin d'un groupe fondamental dans l'image et dans l'iconographie pratiquement rock. Dans l'inconscient collectif musical, Offenbach, c'est le rock. Ouais. Et le rock se terminait en quelque sorte, enfin, un certain rock se terminait ce soir-là. Mais je revois le gars là, avec sa barbe rousse blonde. Là, il est à jamais associé au spectacle. Ouais. Et on a déjà une bonne idée. Je le disais, c'est un spectacle qui est mémorable, c'est un spectacle qui est important dans l'histoire de notre chanson. Puis c'est entre autres pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette fin. Il y a quelque chose dans la musique québécoise qui se termine ce soir-là. Mais c'est plus que ça aussi. C'est le spectacle qui était mémorable en lui-même aussi. Et quand même, 4 heures de spectacle. Il y a eu 44 chansons. C'est énorme. Puis 44 chansons, là, Pas d'effets spéciaux, pas de fla-fla, pas de blabla, rien. Que de la musique. Que ce que Offenbach faisait le mieux, sans doute, pour nous, c'est-à-dire de la musique. Et couvrir pratiquement toute l'histoire du groupe de cette façon. Un vrai spectacle d'adieu, là. Tous les fans de toutes les époques, là, ils trouvaient leur compte. Et tu sais, je voyais, moi, il y avait des filles, là, vraiment trop maquillées, à mon point de vue, en tout cas. Oui. Tu sais, qui pleuraient leur rimmel. Il y avait des gars qui se pognaient les cheveux devant telle ou telle chanson, parce que ça, c'était leur chanson, oui. Leur tune. Et on est 13 000 dans le forum, c'est énorme. Il y avait eu des billets vendus à la dernière minute, tellement la demande était forte. Ils ont ajouté 2000 billets, ce qui a obligé à reconfigurer la scène. Puis jusqu'à la dernière minute, on n'a pas su s'il n'allait pas avoir des pépins techniques. Ouais. Et la grâce est tombée sur le forum. Il n'y en a pas eu. Il y a juste eu un gigantesque spectacle. Ouais. Et puis, ce spectacle, il faut le rappeler, c'est le milieu des années 80. C'est un spectacle d'adieu, déjà, avec tout ce que ça veut dire. Et vous nous en avez parlé. Puis ça arrive aussi à un moment... Puis ça participe, je pense, de l'importance puis du souvenir que vous avez sûrement de ce spectacle-là. Ça arrive à ce moment précis où le Québec, 1985, ben c'est ça, c'est une ça. Espèce de morosité. Oui, ouais. Mais c'est encore la récession. On est encore dans le un peu l'espèce de blues de post-référendaire. Chanter en français, ouais, mais non, pas tant. C'est pas clair. C'est ça. Et plusieurs groupes, plusieurs artistes ont arrêté à ce moment-là. T'sais, Plume est plus sur scène. Michel Pagliaro est plus là. Francoeur a arrêté. Corbeau, qui est composé d'ex-membres d'Offenbach, a cessé aussi. Tout ce qui représente un certain rock, disons plus classique peut-être aussi, a tout simplement fermé boutique, du moins pour l'instant. Puis on ne pense pas à l'époque qu'ils vont peut-être revenir. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Offenbach est un peu le dernier maillon d'une chaîne, c'est le cas d'une chaîne de froc de cuir, si je peux dire. Mais, et donc, c'est la fin aussi de ça. Donc, c'est vraiment très poignant. C'était extrêmement jouissif de chanter, mais extrêmement déchirant. Parce qu'à l'époque, il faut vraiment se remettre là, on est avant les colloques, avant Jean Leloup, avant Richard Desjardins, avant le renouveau qui va avoir lieu 3-4 ans plus tard. Là, on est dans la conviction que chanter en français, faire du rock en français, faire de la musique en français, bah, peut-être pas tant que ça, finalement. C'est peut-être pas une si bonne idée. Alors, c'est lourd. Ouais. C'est lourd comme atmosphère et en même temps, incroyablement vivant. L'autre soir, j'ai chanté du bleu. L'autre soir, ça l'a rendu jaloux. Anyway, les femmes sont jalouses du blues. Call in the blues, faut que je te joue. Donc, parlons des chansons mythiques qui vont faire partie de ce mythique spectacle d'adieu. Colin de Blues s'en est une, on vient de l'entendre. Quelles ont été, Marie-Christine Blais, les chansons que vous avez entendues ce soir-là, les moments forts de ce spectacle-là? Bien, Colin de Blues en est certainement une parce qu'elle est considérée comme la première chanson en français du groupe. Ils avaient essayé de chanter en français auparavant, là, dans les années 60, puis ça avait plus ou moins marché. Et là, ils avaient rencontré Pierre Harel, qui les convainc, qui est un rockeur, qui est un cinéaste, qui est un écrivain, qui les convainc de chanter en français, qui va faire partie du groupe, qui va chanter aussi avec le groupe. Et donc, en 72, il fait un blues sur une musique que le groupe a depuis quelques temps. Ils n'arrivent pas à trouver quelque chose d'intéressant. Et quand, pour la première fois, la légende, en tout cas, vu que quand la première fois Jerry la chante, il se met à rouler les airs comme il s'empêchait de le faire. Puis là, le groupe a trouvé son son, a trouvé sa façon de faire. Parce que Colin de Blues est écrit en québécois. Ouais. Faut que je te jouse. Ouais. Ça rime, mais c'est comme ça aussi qu'on parle. Alors, et à partir de ce moment-là, vraiment, il va y avoir quelque chose qui se place pour le groupe. Je pense que La voix que j'ai, qui est un texte de Gilbert Langevin, d'un grand poète qu'on a eu, Gilbert Langevin, qui est l'incarnation de l'importance de Jerry, parce que c'est effectivement la voix du groupe, c'est lui qui fait le groupe, qu'il le veuille ou non, hein, ouais. Ça lui fait plaisir, mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités, tellement il a une voix marquante. La voix que j'ai va lui valoir au groupe une longue ovation, parce que vraiment, c'est beau, cette chanson-là, sans bon sens. Là, t'sais. Donc, il y a comme ça différentes chansons, mais ils vont passer à travers toutes. Rock de velours, c'est pas la plus connue, mais elle marche bien, puis en show, elle déménage. Tout ça fait que tous les moments, pratiquement, à part, je dirais, un des disques mythiques de Offenbach, qui est le disque enregistré à l'Oratoire Saint-Joseph, parce qu'ils avaient fait une messe. Une messe rock à l'époque. Il n'y a pas vraiment de traces de ça, mais c'est à peu près le seul album qui ne figure pas dans le spectacle. Oui, parce que sinon, effectivement, toute l'œuvre, ou à peu près, il y a 44 chansons, on en rappelle, plus de 4 heures de spectacle. Donc, les gros succès sont là, dont « Mes blues passent plus n'importe ». Mes blues passent plus d'emporte, un autre grand succès d'Offenbach, chanté celui-là par Breen Leboeuf, parce que ce sera beaucoup Jerry Boulet, évidemment le chanteur d'Offenbach, mais Breen Leboeuf va aussi faire partie des voix importantes du groupe. Parlons-en, vous avez un petit peu parlé de l'histoire d'Offenbach, le spectacle à l'oratoire, tout ça, mais un petit mot quand même pour avant de parler de leur histoire comme telle, un petit mot sur leur importance. Pourquoi ils sont si importants, ce groupe-là, dans l'histoire du rock au Québec? Parce qu'ils font du rock à l'américaine, mais en français. Et un français qu'on comprend, un français qui rejoint les gens. Jerry Boulet, avec Offenbach, dans une première configuration, hein, parce qu'il y a eu comme deux groupes, si vous voulez, à un moment donné, il y a eu une chicane de groupe et puis il y a eu de nouveaux membres. Mais en 74-75, Offenbach, première manière, disons, va en France. Et c'est là que Jerry Boulet se rend compte de l'importance des textes et lit, et c'est bien qu'il lui n'est pas capable d'écrire. Alors, il va faire peu à peu appel justement à des, je dirais, des vraies plumes. Bon, Pierre Arel en est une, Gilbert Langevin dont j'ai parlé, André Saint-Denis qui est un poète. Il va faire affaire avec un certain Michel Latraverse alias Plume, qui écrit vraiment très bien, oui. Et qui écrit d'ailleurs des chansons particulièrement romantiques. Quand Plume écrit pour Offenbach, il écrit autrement. Il écrit beaucoup plus sensible. Il se permet d'être plus romantique. Et puis, il va y avoir Pierre Huet. Pierre Huet qui, jusque-là, est associé à Beau Dommage, mais qui tripe sur le son d'Offenbach. Il aime la musique d'Offenbach. Il aime vraiment la musique rock, Pierre Huet. Et donc, il va proposer au groupe d'écrire des chansons. Et ça va donner « Mes blues passent plus n'importe ». Ça va donner Deux eaux de bière, qui, moi, est ma chanson favorite d'Offenbach. Ça va donner 8 des 10 chansons du disque Traversion, qui est, de l'avis de plusieurs, je pense, le disque le plus cohérent et le meilleur, enfin, le plus abouti d'Offenbach. Et ce sont toujours comme des petits films. Oui. Mes blues passent plus n'importe. On suit le gars qui est en manque de drogue. Deux autres bières, on suit un gars qui sort de prison, puis il y en a un autre qui l'amène dans un bar, puis X, c'est donc pas une bonne idée. Oui. mais c'est cette qualité des textes qui colle à la musique. c'est ça qui va vraiment faire d'Offenbach un groupe important. Ouais. Et avec Traversion, vous le citiez cet album, ils auront en 79, le groupe Offenbach, ils vont remporter le Félix du meilleur album de l'année. Bon, maintenant on passe à la catégorie rock. Là, je me retrouve en pays de connaissance. Alors le gagnant, c'est à mon tour de le dire. Le groupe Offenbach, je suis content, c'est pour eux autres que j'ai voté. Merci à René, on a coproduit ça ensemble. Merci à Alain Simard, André Ménard, Denise. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous autres. Merci à tous! La chanson « Aïe aïe » qu'on entend fait partie de ce disque Traversion pour lequel donc Offenbach remporte en 1979, je le rappelle, le Félix du meilleur album de l'année. En fait, le début des années 80, Marie-Christine Blais, c'est, je pense qu'on peut dire, c'est vraiment l'âge d'or d'Offenbach. Mm-hmm. Ah oui, il y a la tournée avec Vic Vogel. Ils font donc de la fusion jazz et rock, puis ça marche vraiment bien. Il y a les Félix, il y a les tournées, ils font des spectacles, des grandes tournées avec Plume. Ils vont être le premier groupe québécois, les gars d'Offenbach, à faire le forum en avril 80. Et puis écoute, une année plus tard, ils vont retourner au forum, puis en première partie, c'est Joe Cocker. Pas de problème, Joe a accepté de faire la première partie. Ils vont faire un spectacle avec Chuck Berry à la Place des Nations. Chuck Berry qui est une idole de Jerry Boulet, mais en fait qui se révèle très, très décevant. Là. Il n'est pas très, très cool ce soir-là, mais, ah bon? Mais ça fait rien, c'est fait. Et tout ça est possible et partout il y a des foules. Partout, il y a des foules. Partout, il y a aussi quelques échafourés parce qu'évidemment, les fans d'Offenbach sont intenses particulièrement et aiment bien le houblon. Alors, des fois, ça se chicane un peu, mais c'est aussi le plaisir de ces spectacles-là. C'est que tu es vraiment dans l'univers rock. Là. C'est du pur, c'est du vrai. Et c'est pour ça, je pense, que les années 80, qui sont dures, justement, socialement, correspondent à l'âge d'or d'Offenbach parce qu'ils nous faisaient du bien. Oui. Puis il n'y en avait pas tant que ça, de cette fibre-là, au Québec. Non, il n'y en avait pas beaucoup, ouais. Effectivement. Et quand le spectacle d'adieu se termine, le lendemain, dans la presse, le critique titre « Le rock québécois est mort avec Offenbach ». Dans Le Devoir, c'est « Offenbach, le dernier des vrais ». Même chose dans le Journal de Montréal. Il y a vraiment une espèce de consensus qu'il y a une page qui s'est tournée. Mm-hmm. Et pourtant, Offenbach continue, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Exact. Puis les membres du groupe, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose, mais il y aura aussi une suite. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Si le silence tombe pour couper l'amour en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me rappelle à vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Cette chanson de Jerry Boulet, Un beau grand bateau, ça va être l'un des grands succès de la fin des années 80. Que devient Jerry après la dissolution du groupe, Marie-Christine Blais? Que deviennent les autres membres du groupe Offenbach? Ben, Jerry, c'est lui hein, qui veut quitter le groupe, qui n'en peut plus, qui depuis des années porte le groupe, pense que le rock se fait en groupe, mais justement, il est rendu ailleurs, il veut faire autre chose. Donc, il va vraiment faire une vraie carrière solo qui va Marché mm-hmm. du feu de Dieu, le disque Rendez-vous doux, vraiment, est considéré comme un grand disque. On vient de l'entendre sur un texte de Denise Boucher, qui est une poète québécoise. Ouais. Et puis, en 90, Jerry meurt d'un cancer. Il n'a jamais fait attention à lui, il a toujours brûlé la chandelle par les deux bouts. Puis je pense qu'il ne l'a pas regretté. Il a vécu sa vie à fond de train jusqu'à la fin. Et donc, il a pu se payer aussi ce plaisir d'être seul sur scène, d'être la voix qu'il a pour nous tous. Et puis, les autres membres, il y a Johnny Gravel, parce que le noyau d'Offenbach, c'est Jerry Boulet et Johnny Gravel. Le guitariste Johnny Gravel qui vraiment était... Si Jerry était la voix, Johnny était le cœur. Johnny est toujours vivant, il a 72 ans, et est encore considéré par beaucoup de gens, avec raison, comme... un des grands guitaristes qui a vraiment un style très particulier. Ouais. Bryn LeBeuf continue à chanter, lui aussi de son côté. À intervalles réguliers, il y a une espèce de reformation du groupe. Le groupe existe encore officiellement, mais bon, c'est plus ce que c'était. Ouais. Moi, j'ai assisté en 2004 à peu près au Francofolie à la première, disons, vraie refonte du groupe avec Martin Deschamps à la place de Jerry Boulet. Donc, il chantait comme Jerry. C'était incroyable. J'avais jamais vu la Place des Arts comme ça. Les gens étaient debout sur les sièges. C'était parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de leur dire encore merci pour tout ce que ça avait représenté. Et c'était fabuleux comme spectacle. Ça aussi, ça nous avait beaucoup fait de bien dans une époque aussi un peu difficile. Et ce qui reste d'aujourd'hui, sinon, c'est la musique. Ça joue encore. C'est encore repris. Le fils de Jerry Boulet, Justin Boulet, régulièrement fait des spectacles, hommage à son père, hommage au groupe. Et puis, il reste cette expression qu'on dit tous de temps en temps, « Merci à la manière de Jerry, cette manière très québécoise de dire merci qui reste dans notre inconscient et dans notre quotidien, finalement. » Et je ne me priverai pas donc de vous dire merci, Marie-Christine Blais, journaliste culturelle, amie de l'émission. Ça a été un grand bonheur de vous entendre nous parler d'Offenbach. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Cette voix usée par l'inquiétude et par la trop longue solitude. Cette voix marquée par la colère et les blasphèmes de la misère. Cette voix qui se meurt de soif